Je vais peut-être perdre quelques abonnés, mais tant qu'à faire, je suis pas là pour ça. Fait que tant qu'à être parti aussi bien continuer. Par rapport là, c'est quoi maintenant la culture qu'on a? C'est quoi notre patrimoine? C'est quoi notre héritage? C'est de la cochonnerie qu'il nous reste. Ils ont tout enlevé le reste. Puis moi, je vois souvent, parce qu'il leur met souvent, l'oiseau moqueur, il met souvent un extrait de Plume la Traverse qui dit que lui, quand il a fini son cours classique, il était donc content de sacrer son cadeau de là, de toute la marde qu'il avait mis dans la tête. Puis j'osais pas dire ce que j'en pense. Mais l'affaire, c'est que si Monsieur Michel Latraverse a pu avoir une bonne qualité de français puis être professeur de français, c'est quand même grâce à sa formation. Ne soyons pas ingrats. Moi, ça n'existait plus le cours classique. Il a fallu que je lise toutes les classiques tout seul. Il a fallu que je sois mon propre précepteur. Justement, parce que là, c'était plus m'en rendu de la bullshit, là, c'était rendu de la juste shit. Là. Il n'y a plus rien, il n'y a même plus de forme, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien. Il a fallu que j'apprenne tout seul. Il a fallu que j'apprenne tout seul parce qu'on n'en avait plus de base classique. Il a fallu que je me l'apprenne. Que je me l'apprenne, c'est rendu les bibliothèques municipales, ils jettent les classiques au vidange. Ils jettent les. Avant, même dans les années 30-40, il y avait des affaires comme le Virgile travesti de Scarron dans les bibliothèques publiques pour que les gens qui voulaient se cultiver le puissent. Là, on enlève carrément la possibilité parce qu'une génération a décidé que c'était tout pas bon. Eux autres, ils sont jamais sortis de leur crise d'adolescence. Ils sont jamais sortis de leur crise d'adolescence. Ils ont décidé que jeter le bébé avec l'eau du bain, ils coupaient les racines de l'arbre. Ils coupaient les racines. Puis finalement, on a une culture de merde. Nous avons une culture populaire au Québec de pure merde. De la pure merde. Avec du monde comme Plume la Traverse qui faisait. Il était donc content dans les années 70 quand les lois ont changé, que là, il pouvait mettre sur son album pirate la photo d'une femme avec de la semence dans le visage. C'est ça le Québec. C'est ça le Québec. Qui se souvient de l'animateur de CKC, Jean Lévesque, qui écrit les antipropos? Qui se souvient de. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pas parce que c'est pas là, mais parce que ça a été caché, ça a été balayé, ça a été caché en dessous du tapis, ça a été piétiné, ça a été brûlé, puis ça a été redétruit, puis redétruit tout le temps. C'est encore là pour quelqu'un qui a la capacité de fouiller, qui a la capacité de. Ça prend quelque chose d'autodidacte, on n'a pas le choix. Comment voulez-vous que quelqu'un de nos jours puisse avoir une base classique réelle, comme il y a eu, s'il n'est pas autodidacte? J'ai même pas de secondaire 5, puis j'ai été bénévole pour aider des étudiants d'université qui devaient passer des examens en philo. Ils connaissaient même pas les termes, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis là, on est en train de nous sortir des arguments dignes de la revue Planète. De Louis Powell, puis wow là, un instant là, c'est parce qu'il y a des affaires que vous savez pas. Je suis désolé de le dire de même, ça fait tellement prétentieux, ça fait tellement pédant, ça fait tellement, ben je vais me faire haïr, je vais me faire haïr. Mais je me fais sortir des affaires, ça fait depuis les années 20-30 qu'on sait que c'est pas réel, ça a été monté de toutes pièces. Ça se bat, ça se bat. L'information, c'est le pouvoir. Si on contrôle le langage, on contrôle les esprits. C'est comme ça que ça marche. Là, moi, des histoires de maudits cabochons, de nous parlent de guerre de cinquième génération. Wow! Il y a une guerre occulte, puis elle est des siècles et des siècles. C'est le siècle des siècles dans le sens que ça touche à des affaires que c'est au-delà des générations. Puis c'est les mêmes techniques, puis c'est les mêmes fonctionnements, puis ça fonctionne de la même façon. Là, on a décidé que le lavage de cerveau de base qu'on avait n'était pas bon, faut qu'on le remplace par un autre. Ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est n'importe quoi. Il reste. Je suis pas d'accord tout à fait comment c'était, là, la société canadienne-française. Comment c'était. Au contraire, il y a bien des affaires. Mais il reste, on a passé d'un extrême à l'autre sans discerner rien. Puis tous les arguments, on sait tout d'où ça vient, toutes les affaires qu'on y sort. C'est pas compliqué, là. Il y a une guerre, puis ça fait longtemps qu'elle dure. Je veux dire, quand je dis des choses comme la guerre de 100 ans, j'ai jamais pris fin, c'était une guerre à finir entre deux civilisations. Je le sais que c'est vrai ce que je dis, mais on est en train de la perdre, là. Puis pas à peu près depuis au moins le 17e siècle. C'est tout ça est affligeant parce que c'est même pas vu. Comment voulez-vous vous positionner dans des affaires qu'on sait pas? Puis qu'on voit pas. Mais c'est là. C'est là pareil. Il y a des affaires qu'on ne peut pas nier, là. Le Québec, là, il n'y a pas personne qui étudie la démographie ou qui étudie l'évolution des civilisations qui peut prédire à notre culture qu'elle va survivre dans le temps. C'est impossible. De la façon, dans les conditions qu'on est là, c'est impossible. L'affaire, c'est que on peut-tu préserver des affaires pour qu'au moins les générations du futur aient le choix, puissent décider, aient le choix s'ils adhèrent ou pas. Au moins, conserver. Non, il y a. C'est où tout le monde, moi, c'est l'affaire, c'est comment c'est galvaudé. La liberté. La liberté, là, c'est quasiment un concept, pas un mot qui est là pour vous enlever de la liberté. C'est n'importe quoi. Je veux dire, est où la liberté si on ne sait même pas ce qu'on peut choisir ou pas, ou on n'a même pas accès à rien? Qu'il y a eu table rase, il y a des affaires sur Wikipédia, il n'en parle même pas. Il n'y a rien. Sur Internet, faut que je retourne dans mes boîtes de vieux livres comme référence. Il faut le faire. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est pas normal que l'ancien support papier qu'on avait accès dans des bibliothèques municipales, que c'était plus vaste que ce que je vois quand je fais une recherche sur Google. Que tout est orienté, que tout est... Vous le voyez pas? Je veux dire, ça nous a tout été... Le pire, c'est que ça nous a tout été annoncé. Tout ce qui sont en... Puis l'affaire, là, c'est parti dans des délires puis des tracts de complotistes que le monde, il s'imagine des récits alternatifs de « Wow, là, un instant! » Parce que ceux, dès qu'ils se rendent compte que « Ouais, il y a de quoi qui va pas » puis ils se rendent compte de certains détails, là, ils partent puis sont partis du délire où ils étaient pour aller dans un autre. Pourquoi? Parce que c'est juste par Internet. Ils comprennent pas que c'est un terrain miné, que c'est un champ de bataille. Qu'est-ce que vous pensez que je fais ici? Pensez-vous que je viens avoir du fun? Oui, j'en ai. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? J'ai tout aimé ça quand ça brasse. Mais il reste que, il y a un problème, là. Je veux dire, on est là à débattre d'affaires qui sont plus là, là, parce que je les amène. Sinon, on n'en parlerait pas. Je veux dire, il y a du monde, ouais, qui m'aime pas. Ils vont, ils se promènent, ils finissent par revenir. Pourquoi? Ben, c'est sûr, on parle d'affaires ici, vous n'aurez pas ça ailleurs. Pas de cette façon-là. Mais il reste que, qu'est-ce que vous voulez là, que je fasse là, avec des affaires de même? Vous voulez qu'on parle de quoi? On est là, le génocide à Gaza. Ben oui, je suis pas d'accord, mais il reste que moi, ma priorité, c'est mon peuple puis mon monde ici, puis qu'on a aussi un génocide encore plus subtil, encore plus sournois, sur le long terme. Qu'il y a une assimilation. C'est tellement bien fait, puis c'est tellement intelligemment fait, on peut pas leur enlever ça. Ils sont bons. Parce que je le vois tous les jours, je suis confronté à cette espèce de... C'est comme des miasmes dans l'air qui opacifient tout. Puis ça vient tout le temps des mêmes affaires. Ça vient tout le temps des mêmes supports. Puis ça se trouve tout le temps dans les mêmes genres de places, mais tout d'un coup, ça apparaît ailleurs de façon inattendue. Et c'est pour ça, des fois, je vais me permettre de dire, ben c'est pas à vous que je parle, mais dans le fond, peut-être que oui. Comment est-ce que vous voulez expliquer ça autrement? On en est rendu là, là. Les jeunes, là, il y a des jeunes de 17-18 ans, ils ne savent plus lire l'heure sur une horloge. S'ils n'ont pas de téléphone, au point, de toute façon, on ne met même plus d'horloge. Dans les salles d'attente, il n'y a plus d'horloge. Moi, je ne traîne pas ça, là, le téléphone, là. Puis, j'ai jamais toléré de bijoux. Fait que les montres, j'ai pas de montre. J'aurais été obligé d'aller devant la tour Trump, là, lire l'heure sur l'horloge Rotary.